بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je m'excuse pour le retard d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le mardi 3 du mois sacré de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 13 juillet 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre l'étude du livre de l'imam de cette époque, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire, et dont le livre s'intitule « Ad-Durus al-Muhimma », les leçons importantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'étudier les deux premières leçons, et aujourd'hui, nous allons étudier la troisième leçon de cette risala, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et profitable, et de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons, et que ce que nous apprenons soit un argument pour nous, et non pas contre nous. الدرس الثالث أركان الإيمان وهي ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. Donc la troisième leçon dans le sujet et les piliers de la foi. Les piliers de la foi qui sont au nombre de 6. Que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin convenable et inconvenable. Le destin bon ou mauvais? Bon ou mauvais du point de vue de la créature, car ce que Allah a prédestiné, la créature peut le percevoir comme un bien pour elle ou comme un mal pour elle. Mais en réalité, dans tout ce que Allah décrète, il n'y a pas de mal. Le mal n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, car dans tout décret, il y a une sagesse et il y a un bien. Quand bien même, la chose en elle-même peut contenir du mal. Mais le décret d'Allah est un bien dans sa totalité, dans sa globalité. Ce point, on va y arriver, mais comme j'ai cité ces quelques mots, je ne souhaite pas passer avant de donner un exemple qui va sans aucun doute, bi'idnillahi ta'ala, vous permettre de comprendre ce qui vient d'être dit, car ça peut rester ambigu. En arabe, nous avons deux choses. Nous avons ce que Allah décrète, ça c'est l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala est un bien dans sa totalité. Il n'y a pas de mal dans ce que Allah fait. Et la deuxième chose, c'est la chose qui est décrétée elle-même. Dans ça, il peut y avoir du bien et du mal. Donc quand on dit le décret bon ou mauvais, on vise les créatures et non pas l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, yani, le fait de dire convenable ou inconvenable, cette faïda me l'avait apporté un frère, il y a plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, qu'Allah le récompense, c'est de lui que j'ai pris cette faïda, et j'ai préféré dire convenable et inconvenable, parce que ça permet d'avoir une bonne compréhension automatiquement. Contrairement à quand tu dis bon ou mauvais, tu dois expliquer. Et la traduction, c'est une explication. La traduction est une explication. C'est pour ça que tu dois regarder de qui tu prends ta traduction. Car celui qui te traduit, il te traduit en réalité sa compréhension. La traduction est dépendante de notre compréhension. Si on a une bonne compréhension et qu'on a les outils nécessaires pour la traduction, notre traduction sera bonne. Et si on a une lacune dans un des deux points, la langue d'origine ou la langue vers laquelle on traduit, on risque d'avoir une mauvaise traduction. Donc, le décret d'Allah, Allah a décrété l'existence d'un mécréant. Donc, le décret d'Allah est un bien. Le fait d'avoir décrété l'existence d'un mécréant est un bien. Car, à cause de ce décret, il va y avoir énormément d'adorations qu'Allah aime, telles que le prêche, Da'wa, tel que le combat dans le sentier d'Allah, tel que l'amour et la haine en Allah, l'alliance et le désaveu, et ainsi de suite. Toutes ces adorations qu'Allah aime énormément. Mais par contre, le mécréant en lui-même, ce qui est décrété, yani la créature, c'est un mal. La même chose peut être dite par rapport à la maladie. La maladie ne convient pas à la créature. C'est un décret inconvenable à la créature. Mais du point de vue d'Allah, c'est un bien. Pourquoi ? Parce que c'est avec cette maladie que ce croyant sera purifié de ses péchés. Avec cette maladie que ce croyant peut-être qu'il reviendra vers Allah avec un repentir, et qu'il aura l'occasion de se remettre en question et de revoir comment il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite parmi les nombreuses sagesses. Donc les six piliers de la foi. La foi dans son sens linguistique. La foi, al-iman, huwa at-tasdiq al-jazim. C'est croire en la véracité d'une manière ferme. C'est ça le sens linguistique du verbe amana. Saddaqa tasdiqan jazima. Et son sens religieux, la foi est une parole avec la langue, une conviction, une croyance avec le cœur, des actes avec les membres qui augmentent avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui diminuent avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou tu peux dire qu'il augmente avec l'obéissance à Allah et qui diminue avec l'obéissance au shaitan. Car toute obéissance à Allah est une désobéissance au shaitan. Et toute obéissance au shaitan est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça revient au même. Ça, c'est la définition de la foi chez Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Donc vous constatez que la foi est composé de trois choses, des paroles, des actes et des croyances. Et ça, c'est pris du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, il y a unanimité et consensus de salaf sur cette définition. Salaf sont unanimement d'accord sur cette définition et beaucoup de grands imams ont rapporté cette unanimité sur la définition de la foi, notamment l'imam al-Bukhari, pour ne citer qu'un seul. Donc ça, c'est la définition de la foi. Je disais, elle est composée de trois choses. De paroles, d'actes et de croyances. Comme c'est cité dans le hadith, شعب الإيمان لبرانج دو لا فوا النبي عليه الصلاة والسلام دي الإيمان بضع وسبعون شعبة لا فوا اي دو 70 et quelques branches dans la branche la plus élevée et la parole لا إله إلا الله voilà une branche de la foi qui est une parole et dans la branche أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et la branche la plus basse, c'est d'écarter le mal de la voie des gens, du chemin des gens. Voilà une branche de la foi qui est un acte avec les membres. T'écartes le mal du passage des gens. والحياء شعبة من الإيمان et la pudeur est une branche de la foi. Voilà un exemple des croyances avec le cœur, car la pudeur est un acte du cœur. Mais bien évidemment, quand il y a la pudeur dans le cœur, ça se manifeste sur les membres, forcément. Ça se manifeste sur les membres, forcément. Et ainsi de suite, tu pourras dire ça pour tous les actes du cœur. C'est pas possible que quelqu'un ait la foi dans le cœur, il parle avec la mécréance. Il fait la mécréance avec ses membres. C'est pas possible. Je dis ça car certains pensent qu'ils ont la pudeur dans le cœur, mais ils font des choses qui contredisent la pudeur, telles que le fait de ne pas se couvrir correctement, et ainsi de suite. Et regardez, subhanallah, comment le Nabi alayhi salam dans ce hadith, il a défini la foi, il a cité trois exemples. Il n'en a pas cité plus, ni moins. Et chacun correspond à une catégorie de la foi. Allahu Akbar. S'il n'y avait que ce dalil, ça aurait suffi pour Ahl Sunnah wal Jama'a sur la définition de la foi. Donc ça, c'est la foi. Et la foi a six piliers. La foi a six piliers. Yani de même, avant de passer au pilier de la foi, il y a un point très important, c'est l'opposé de la foi qui est la mécréance. De même que la foi est composée de trois choses, la mécréance est composée de trois choses. La mécréance avec les actes, tels que quelqu'un qui jette le livre d'Allah par terre volontairement, en sachant qu'il est le livre d'Allah, ou quelqu'un qui se prosterne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quelqu'un qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une mécréance avec les actes. Également, il y a la mécréance avec la parole, comme insulter Allah subhanahu wa ta'ala, insulter son prophète, alayhi salatu wassalam, insulter la religion de l'islam. Ça, c'est une mécréance avec la parole. Et également, il y a la mécréance avec la croyance et la conviction. Croire que autre qu'Allah mérite l'adoration. Pourquoi nous disons cela? Pour bien comprendre qu'il peut y avoir une mécréance avec l'acte sans regarder ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a pas besoin de vérifier ce qu'il y a dans le cœur. Et ça, c'est une règle de base dans ce domaine. Quelqu'un qui tombe dans un acte de mécréance, c'est une mécréance. Sauf s'il y a une excuse valable. Mais donc, la mécréance, elle peut être avec une simple parole, sans regarder ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça qu'il y a unanimité de Ahl-Sunnah wal-Jama'a que celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala est un mécréant. La grande mécréance. Et la mécréance peut être avec l'acte également. Et elle peut être avec la croyance, sans parler, sans agir, uniquement avec le cœur. Ça, c'est une notion très très importante qui te permet de t'écarter de tous les égarements au sujet de la foi. Et combien ils sont nombreux. C'est d'avoir cette croyance que je viens de te citer. Ça, c'est la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et il ne regarde pas, quand il y a une mécréance avec la parole, il ne regarde pas ce qu'il y a dans le cœur. Ils ne disent pas, il a insulté Allah, na'am, il est mécréant, parce que dans son cœur, il y a ça, il y a ça. Non. Ça, c'est une mécréance à part entière. D'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Après, dans le cadre de da'wah, t'es pas obligé de venir voir quelqu'un qui a insulté Allah et de lui dire que t'es mécréant. Yani, la sagesse peut imposer que tu viennes et que tu le mettes en garde contre la gravité de sa parole et que pour tous les savants, sans exception, ça c'est une parole qui fait sortir de l'islam. C'est une grande mécréance. Ou bien, t'étais musulman et t'es sorti de l'islam avec cette parole, ou bien, tu n'as jamais été musulman dans ta vie. Naam. Celui qui insulte Allah, ou bien, il connaît la grandeur et la majesté d'Allah, mais il l'a insulté. Donc, il était musulman, il est sorti de l'islam. Ou bien, il était ignorant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne connaît pas le minimum qui valide sa foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir ce que c'est ce minimum. Ce minimum t'empêche d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala en étant conscient, en sachant ce que tu dis et en comprenant le sens de ta parole. C'est pas possible qu'un muslim qui sait ce qu'il dit et qui le dit en ayant toute sa tête, toute sa raison, qui n'est pas fou, qui n'est pas ivre, qui n'est pas dans son sommeil, c'est pas possible qu'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il insulte la religion de l'islam, ou qu'il insulte le prophète, alayhi salatu wassalam, yani parmi les mécréances avec la parole. Donc cette foi, elle a six piliers. Et ici, il y a un point très important à noter. C'est que les six piliers de la foi, on ne peut pas croire en quelques-uns et renier les autres. On ne peut pas croire en cinq piliers et renier un seul, le sixième. Car les piliers de la foi, ce sont, comme leur nom l'indique, Arkanul Iman. Il ne peut pas y avoir de foi que quand les six piliers sont réunis. C'est pour ça qu'il est rapporté de Abdullah ibn Umar, quand ils lui ont rapporté de certains dans la ville de Basra, dans laquelle est apparu l'égarement au sujet de l'Qadr, le destin, le décret d'Allah, quand ils lui ont rapporté qu'ils ne croient pas en ce pilier, il leur a dit, dites-leur que je me désavoue d'eux et qu'ils sont désavoués de moi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera rien d'eux jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Et ensuite, il leur a cité Hadith Jibril alayhi salam, dans lequel le prophète alayhi salam a répondu aux questions de Jibril alayhi salam, et il a cité les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi, les deux piliers de l'ihsan et certains signes précurseurs de la fin des temps. Hadith Azim, à la fin duquel le prophète alayhi salam a dit que Jibril est venu vous enseigner votre religion. C'est-à-dire notre religion, c'est ça. C'est les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi et le degré de l'ihsan. C'est ça la religion de l'islam. Et comme vous avez pu le constater dans cette risala, ça, ce sont les premières leçons par lesquelles a commencé l'imam Abdel Aziz ibn Baz, par nous enseigner notre religion. Donc, il ne peut pas y avoir, yani il y a un lien entre les six piliers. Ils sont intimement reliés l'un à l'autre. On ne peut pas croire en une partie des piliers de la foi et mécroire en le reste. Car mécroire en un seul pilier, c'est comme mécroire en tous les piliers. D'où l'importance de ces piliers et que le croyant doit les apprendre et les connaître avec science et avec argument afin d'arriver à cette foi ferme. La foi ferme. Donc on commence par le premier pilier. Le premier pilier, on commence par le premier pilier qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'origine de tous les autres piliers. La foi en Allah est l'origine de tous les autres piliers. C'est-à-dire que tous les autres piliers de la foi sont des branches de ce fondement et de cette origine qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tous les autres piliers le suivent, comme on va le comprendre, incha'Allah. Allah Azza wa Jalla dit, par rapport à ces piliers, « Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi » Kullun amana billah. Tous ils ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Vous voyez que les piliers dans les versets toujours ils viennent après l'origine de tous ces piliers qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les autres sont des branches de ce premier pilier. Donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman billah, c'est de croire fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et qu'il est le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala, et de croire en son unicité, dans ses noms et dans ses attributs, qui nous a révélé dans son livre ou ce qui nous a rapporté son prophète alayhi salatu wassalam dans sa sunna, et également de croire en son unicité dans la seigneurie, qu'il est l'unique créateur l'unique souverain, l'unique pourvoyeur, l'unique gestionnaire de toute sa création. Donc ça, c'est la foi en le premier pilier. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette foi, elle est composée de quatre points, comme vous avez pu le constater. Le premier, c'est de croire en son existence, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et, yani, pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas grand chose pour le prouver à toute personne, yani, qui raisonne bien et qui réfléchit correctement. Et qui n'est pas rempli d'orgueil pour rejeter la vérité évidente. Donc, yani, avec les arguments rationnels et les arguments dans les textes de la religion. Également, avec la nature humaine saine. Avec la nature humaine saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Comme il est rapporté dans le hadith, que chacun d'entre nous, كل مولود يولد على الفطرة, que chaque nouveau-né naît sur la nature humaine saine, et que ce sont ses parents qui vont falsifier et corrompre cette nature humaine saine. Sinon, il restera sur la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera sur cette nature humaine saine qui est une prédisposition à accepter la vérité et à savoir que c'est la vérité. Et cette nature humaine saine est complémentée avec l'envoi des prophètes et des messagers qui montrent aux créatures, qui leur montrent la bonne voie, la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est par rapport à la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est la foi en son unicité dans l'adoration. Son unicité dans l'adoration. Et c'est pour ce point qu'Allah a envoyé les prophètes et les messagers. Pour unifier Allah avec toutes nos adorations. Car il est le seul qui mérite toutes les adorations. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah Azza wa Jalla dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour les appeler à adorer Allah et à s'écarter du tarout. At-tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Donc, unifier Allah dans l'adoration, c'est la mission avec laquelle Allah a envoyé tous les prophètes et tous les messagers. Et tous les prophètes et tous les messagers, ils sont d'accord sur ces piliers de la foi. Il n'y a pas de divergence entre eux dans la base de la religion qui est ces six piliers de la foi. Yani, ce qui change entre les prophètes, ce sont les législations. Mais leur religion est la même. Adorer Allah seul, en lui vouant un culte exclusif, et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, et de croire au jour dernier, et de croire au destin convenable et inconvenable. Donc, sur cette base, tous les prophètes étaient d'accord. Et leur message était le même par rapport à ces piliers de la foi. Ce qui changeait, c'est la notion de l'halal et l'haram. La notion de l'halal et de l'haram, la législation. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. C'est-à-dire de croire qu'il est unique dans sa souveraineté, unique dans sa seigneurie. Il est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique gestionnaire de toutes les affaires de ses créatures. Et ça, c'est à titre d'exemple. Mais sinon, l'unicité de la seigneurie, c'est d'unifier Allah dans tous ses actes et de croire qu'il est unique dans tous ses actes. Donc l'unicité de la seigneurie, c'est unifier Allah dans ses actes et de croire qu'il est unique dans tout ce qu'il fait. L'unicité de l'adoration, c'est unifier Allah avec nos actes d'adoration. Si on veut l'exprimer autrement, l'unicité de la seigneurie, c'est unifier Allah avec nos actes d'adoration. Et l'unicité de l'adoration et de la divinité. Unifier Allah avec nos actes d'adoration. Et l'unicité dans la seigneurie, dans la souveraineté, c'est unifier Allah dans ses actes. Et la quatrième catégorie, ou le quatrième point qui valide la foi en Allah. Les catégories de tawhid sont au nombre de 3. Mais là, on parle des points qui valident la foi en Allah, qui sont au nombre de 4. Les 3 catégories, plus la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le quatrième point, c'est la foi en l'unicité d'Allah dans tous ses noms et dans tous ses attributs. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le avec. Et ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs sont rapportés dans les textes, dans le livre d'Allah et dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que dans ce domaine, on ne peut pas inventer un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est, on se limite à ce qui est rapporté. هذا الباب توقيفي توقيفي, c'est-à-dire on se limite à ce qui est rapporté. Donc ça, en résumé, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam l'enseignait à des enfants. Et c'est comme ça qu'on doit faire avec nos enfants. Selon leur âge, selon leur niveau de compréhension, on leur explique at-tawhid avec des paroles simples et faciles selon yani leur compréhension et leur âge. Nabi alayhi salam, il a dit dans le hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ya ghulam inni uallimuka kalimat. Donc il a enseigné Abdullah ibn Abbas ces paroles. Il lui a dit, إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ. Quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que si toute la communauté se met ensemble pour t'apporter un bien, ils ne pourront t'apporter que le bien qu'Allah t'a prescrit et t'a décrété. Et s'ils se mettent tous ensemble pour te nuire, ils ne pourront te nuire qu'avec ce que Allah a décrété. Les plumes sont levées et les livres sont devenus secs. Ils sont séchés. Les livres sont séchés. Donc ça, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier fondement et l'origine de tous les autres fondements. Le deuxième fondement, la foi aux anges. La foi aux anges. De croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des créatures qui sont les anges, al-mala'ika, des créatures créées à partir de lumière. Allah les a créées de lumière. Comme le prophète sallam nous a informé, il nous a dit, khuliqatil mala'ikatu min nur. Les anges sont créés de lumière, rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Donc, ces créatures qui sont les anges et qui sont parmi les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui obéissent sans jamais lui désobéir. La ya'soun Allah ma amarahum wa yaf'aloun ma yumaroun. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font tout ce que Allah leur ordonne. Ça, c'est parmi leurs descriptions dans le Coran. De croire, yani dans tous les piliers, on croit d'une manière globale au sens du pilier. Et après, les détails, c'est en fonction de ce qu'on connaît dans les textes. Donc, par rapport aux anges, on croit que ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce sont créés de lumière, qu'ils sont créés de lumière et qu'ils obéissent à Allah sans jamais lui désobéir. Et que parmi ces anges, il y a l'ange qui est chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers, qui s'appelle Jibril alayhi salam. Donc, c'est indispensable pour tout musulman de savoir ce minimum pour valider sa foi par rapport aux anges, c'est-à-dire des créatures d'Allah qui sont chargées de missions différentes et parmi eux, un ange chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers. Ça, c'est le minimum. Après croire qu'il s'appelle Jibril alayhi salam, quand tu le lis dans les textes, ça devient une obligation d'y croire. Mais si tu sais pas qu'il y a un ange chargé de la révélation, ça invalide la foi. Ça invalide la foi. Parce que ça remet en cause la foi au prophète, la foi au livre et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est par rapport à ce deuxième point. Après, il y a les détails par rapport aux anges, plus t'apprends dans les textes, plus tu dois croire, notamment qu'Allah les a créés et qu'ils ont des ailes. جَعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Donc Allah nous dit qu'il a créé les anges et qu'il leur a donné des ailes, deux par deux, par trois et par quatre. Et comme c'est rapporté dans le hadith authentique, le prophète a.s.w. a vu Jibril a.s.w. en ayant 600 ailes, avec deux ailes seulement, il coupe l'horizon. Tu ne vois plus rien. Du ciel ni de la terre. Et ça montre, yani, la taille immense sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé Jibril alayhi salam. Et le nombre de ces anges, il n'y a que Allah qui le connaît. Yani, ce qui montre leur grand nombre parmi les textes, ce qui a été rapporté dans le hadith, le prophète alayhi salam, quand il a parlé de l'Bayt al-Ma'mour, l'Bayt al-Ma'mour, l'équivalent de l'Ka'ba dans le ciel. Quand Nabi alayhi salam a vu l'Bayt al-Ma'mour dans le ciel, dans la nuit de l'ascension, Jibril alayhi salam lui a dit que dans ce Bayt al-Ma'mour, il y a 70 000 anges, 70 ألف ملك يدخله إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه. Il y a 70 000 anges qui entrent dans ce Bayt al-Ma'mour et ils ne reviennent plus jamais jusqu'à la fin des temps. Ça vous montre le grand nombre des anges et le grand nombre des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est uniquement les anges. Et les soldats d'Allah sont très nombreux. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Et il ne connaît les soldats de ton Seigneur que lui. Et ces soldats sont très nombreux. Parmi eux, les anges. Et voilà ce qui nous indique leur grand nombre. Donc ces anges ont des missions différentes et variées, parmi eux qui sont chargés de la pluie, Mikaïl alayhi salam, parmi eux qui sont chargés de la révélation, Jibril alayhi salam, et d'autres missions variées, ceux qui assistent aux assises de science et ceux qui se relayent yani, entre le Fajr et l'Asr chez les fils de Adam, et ainsi de suite. Ça, c'est par rapport à la foi aux anges, le deuxième pilier. Le troisième pilier, la foi aux livres. Les livres qu'Allah a révélés à ses nobles prophètes et messagers. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ et dit, j'ai cru en ce que Allah a révélé comme livre. C'est-à-dire, j'ai cru en tous les livres qu'Allah a révélés sur chaque messager. Et parmi les versets dans le Coran qui englobent les piliers de la foi, ce verset dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Donc dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, croyez en Allah, aux messagers et aux livres qu'il a révélés à son messager, et aux écritures qui ont été révélées auparavant, c'est-à-dire aux autres messagers. Et celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres et ses messagers, et au jour dernier, s'est égaré et allé très loin dans l'égarement. Il s'est égaré, et même il est allé très très loin dans l'égarement, car c'est la mécréance. Donc, dans ce verset, cinq piliers de la foi sont cités. Et comme vous savez, peut-être que vous l'avez déjà entendu auparavant des savants, c'est que les six piliers n'ont jamais été réunis dans un seul verset. Ils étaient réunis dans l'ahadith, mais dans les versets, il n'y a que cinq qui sont cités, et le sixième, il est cité à part. Al-iman bil-qadr, le sixième pilier, la foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, au destin, celui-là, il est cité dans des versets à part. Donc ça, c'est la foi aux livres, les livres, tous les livres, d'une manière globale, une foi globale. Et plus t'en sais des noms de ces livres, plus tu dois croire d'une manière obligatoire. Et on doit croire en tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna authentique. Donc la foi en tous les livres qu'Allah a révélés à tous ses messagers et prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et celui qui mécroit en un seul livre, il a mécru en tous les livres. Et celui qui mécroit en un seul livre, il a mécru en tous les livres. Et parmi les livres qu'on connaît d'une manière détaillée, rappelez-vous toujours la foi globale, la foi détaillée. La foi globale, c'est le minimum pour valider la foi en ce pilier. Allah révèle des livres à ses prophètes et messagers, et parmi les livres qui ont été révélés, Al-Qur'an. Ça, c'est le minimum. Le Qur'an qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et plus t'en connais, plus tu crois, tu dois croire. Parmi les livres qu'Allah a révélés, c'est le livre qui a été révélé à Moussa alayhi salam, At-Tawrat, la Torah. Le livre qui a été révélé à Isa alayhi salam, Al-Injil, l'Évangile. Le livre qui a été révélé à Daoud alayhi salam, Zabour, les psaumes. Et les feuilles d'Ibrahim alayhi salam, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la foi au livre. Et c'est le troisième pilier de la foi. Donc tous ces livres ont été révélées avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit précédemment. Et tous, ils comportent les six piliers de la foi. Car la religion de tous les prophètes et messagers, sans exception, est identique. Elle est la même. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer seul et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc cette base, elle est commune entre tous les prophètes et messagers. Comme Allah a dit dans le verset que j'ai cité précédemment, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons dépêché dans chaque communauté un messager avec le même prêche. أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. Adorez Allah seul et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu dois croire en Allah seul, en lui vouant un culte exclusif, et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la religion de tous les prophètes et messagers. Et ce qui varie, ce sont les législations. Et la plus parfaite et la plus complète des législations, c'est la législation qu'Allah a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière des législations. Donc tous ces livres, ce sont des révélations d'Allah à ses prophètes et messagers, alayhi salatu wa sallam, et que tous les prophètes et messagers ont transmis ce qui leur a été révélé à la perfection, et que leurs livres contiennent tout le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà, et mettre en garde contre l'égarement dans ce bas monde et ce qui peut être la cause de la perdition dans l'au-delà. Celui qui suit ces livres qui ont été révélés dans leur temps jusqu'à ce qu'ils soient abrogés, celui qui les suit, il réussira. Il réussira. Et celui qui s'en détourne, il sera parmi les perdants. Wal'iyadu billah. Et que le dernier de ces livres, c'est le Coran al-Karim. Al-Quran al-Karim, qui est le dernier des livres qu'Allah a révélé, après lequel aucun autre livre ne sera révélé. Et le Coran a abrogé tous les livres qui l'ont précédé. Tous les livres qui l'ont précédé. Donc après la révélation du Coran et l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte que le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on suppose qu'il y a sur terre quelqu'un qui est encore sur la religion authentique de Moussa alayhi salam et qui a entendu parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il doit le suivre comme Moussa alayhi salam le lui a ordonné. Et il ne doit pas rester sur la religion de Moussa alayhi salam. Donc, la foi et l'islam aujourd'hui, c'est uniquement dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et les juifs et les mécréants, les juifs et les chrétiens, et toute autre chose que l'islam, c'est une mécréance. Quand bien même les juifs et les chrétiens ont un statut particulier dans l'islam, par rapport à certains points, mais ce sont des mécréants. S'ils ne croient pas en notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est identique pour nous-mêmes. Pour nous aussi, on ne peut être muslim qu'en ayant la foi en tous les prophètes et en tous les livres qui ont été révélés. Car mécroire en un seul livre, c'est comme mécroire en tous les livres. Et mécroire en un seul prophète, c'est comme mécroire en tous les prophètes. Ces six piliers sont intimement liés l'un à l'autre. Et la foi n'est valide que quand tu réunis les six piliers. Taïb, le quatrième fondement, parmi les fondements de la foi, al-iman bil rusul al-kiram, alayhim as-salatu was-salam, d'avoir la foi en les messagers, les nobles messagers, alayhim as-salatu was-salam. Donc, avoir une foi globale par rapport à tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a choisi parmi les humains, des hommes, à qui il a confié la mission de transmettre sa religion et d'appeler les gens à son unicité.

chose que n'a pas le savant, l'homme de science. Sauf chez Ravida. Ravida, ils croient que leurs imams sont tous infaillibles. Il lui dit, jette-toi dans un puits, il se jette dans un puits. Wal'iyadu billah. Tayyib. Donc ça, c'est par rapport à la foi aux messagers. Et parmi ces messagers, bien évidemment, notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a envoyé des messagers auxquels il a révélé la révélation, et parmi eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Ça, c'est ce qui valide ta foi par rapport à ce pilier. Donc si quelqu'un se dit musulman, il ne sait pas que le prophète de l'islam s'appelle Muhammad, sa foi est invalide. Sa foi est invalide. Il est indispensable pour valider la foi de savoir qu'Allah a envoyé des prophètes et messagers auxquels il a révélé des révélations et dont le dernier d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, Al-Qadiyaniya, ceux qui croient qu'il y a des prophètes qui sont venus après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une secte qui a été implantée au Pakistan ou en Inde par les Anglais, car le Kuffar, ils ont compris que c'est très difficile d'égarer un musulman et de le faire sortir de sa religion. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire tomber dans des égarements à l'intérieur de sa religion. C'est pour ça qu'ils ont combattu les musulmans avec les innovations. Et ils n'ont cessé de le faire, ils continuent à le faire. Ils accueillent chez eux, dans leur pays, les égarés, les innovateurs, ils leur donnent tous les droits, ils les aident financièrement et avec tout ce qu'ils peuvent, car ils ont compris que c'est le seul moyen d'affaiblir les musulmans. C'est de les combattre avec les innovations et les hérésies. Et tu trouves que Rafida, à Paris, ils ont tout ce qu'il faut, Sofia, le Khawarij, on sait qu'ils les connaissent, et ils les aident. Et tu vas en Angleterre, c'est pareil. Les seuls qui sont combattus, ce sont ceux sur la bonne voie, sur la vérité, malgré qu'ils ne font pas de mal. Ils sont contre tous les attentats terroristes. Ils sont contre tous ces crimes et toutes ces injustices. Et ils savent pertinemment que leur religion n'incite pas à ces actes-là. Ils savent pertinemment que la religion de l'islam n'incite pas à ces crimes. Lakin, ils savent que le danger de salafiyin est beaucoup plus fort que le danger des autres. C'est pour ça qu'ils les combattent et ils font tout pour les retirer des mosquées et ainsi de suite, mais ils peuvent ruser et la ruse d'Allah est au-dessus de leur ruse. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et comme j'ai entendu de la bouche de certains d'entre eux, ils ne savent pas comment l'islam se propage dans leur pays. S'ils pensent que derrière cette religion, il y a tel prêcheur ou tel prêcheur, ils se trompent. C'est la religion d'Allah. C'est lui qui s'est chargé de la préserver. Et Allah y guide qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc le cinquième pilier, donc le Nabi al-Islam, c'est le dernier des prophètes, comme ceci est cité explicitement dans le Coran. Wa khatamun nabiyyin, le sceau des prophètes, le dernier d'entre eux. Et dans le hadith authentique, wa innahu la nabiyya ba'di, il n'y a plus de prophète après moi. Ce hadith est rapporté dans les deux authentiques. Le cinquième fondement, la foi au jour dernier. La foi au jour dernier. Donc la foi au jour dernier, c'est d'avoir la foi en tout ce qui a été rapporté après la mort, d'une manière globale et détaillée dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète, alayhi salam. Chaque personne, une fois qu'elle décède, le jour dernier pour elle commence. Donc le jour dernier, c'est tout ce qui vient après la mort. Tout ce qui a été rapporté dans les textes par rapport à ce qui suit la mort, ça fait partie en la foi au jour dernier. Et la tombe est la première demeure parmi les demeures, parmi les stations. Afwan, la tombe est la première station parmi les stations de l'au-delà. C'est-à-dire une fois que la personne décède, l'au-delà pour elle commence et sa fin des temps est arrivée. Il y a une fin de temps particulière qui concerne chaque personne, chacun à la sienne, c'est la fin des temps qui arrive avec la mort. Et il y a la fin des temps générale qui concerne toutes les créatures, et c'est celle-là qui arrive, yani quand Allah subhanahu wa ta'ala le voudra, et il n'y a que lui qui sait quand est-ce qu'elle arrivera. Donc croire au jour dernier, c'est croire en tout ce qui suit la mort, en commençant par le monde de la tombe et les délices et les supplices de la tombe, la résurrection après la mort, le rassemblement et le jugement, al-hisab, et la balance, et as-sirat, le pont, et ainsi de suite. Toutes les choses, le paradis, l'enfer, le châtiment, la récompense, et ainsi de suite, toutes les choses qui suivront la mort de tout un chacun. Donc la foi au jour dernier, parmi ses fruits, plus ta foi augmente au jour dernier, yani il y a un minimum, et après augmenter dans ces degrés, c'est sans fin. Plus ta foi augmente par rapport au jour dernier, plus tu vas te préparer pour ce jour-là. Et plus tu vas préparer les provisions qui te serviront ce jour-là. La provision ce jour-là, c'est pas la nourriture et la boisson. C'est le hasanat, les bonnes actions. Et là, en l'occurrence, on est dans une période bénie, une période propice à la bonne action, dans laquelle la bonne action est plus importante que dans toutes les autres périodes de l'année. Il faut la saisir, cette occasion qu'Allah t'a permis d'atteindre, il faut la saisir et en profiter. Et rentre dans la foi au jour dernier également, la foi en tous les signes précurseurs de ce jour-là, que ce soit les petits signes ou les grands signes. Le sixième pilier de la foi, c'est la foi au destin, convenable et inconvenable. Allah subhanahu wa ta'ala a tout su. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Sa science n'a pas de début et n'a pas de fin. Subhanahu wa ta'ala. Et sa science englobe toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose. Tout ce qui va arriver et tout ce qui n'est pas arrivé, s'il serait produit, comment il serait produit. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toute chose. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Subhanahu wa ta'ala. Il est l'omniscient par excellence. Et il a mis par écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et également la foi en sa volonté, et que tout ce que Allah veut aura lieu, et ce que Allah ne veut pas n'aura pas lieu. Et la foi en lui comme l'unique créateur, le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les quatre piliers de la foi au destin. La foi en sa science qui englobe toutes choses, il est l'omniscient. La foi en l'écriture qu'il a tout mis par écrit jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et la foi en sa volonté, et la foi en lui comme créateur. Donc Allah a toujours tout su,